Chapitre 9. Le garde-chasse. Par ici! Et là un homme qui agitait une lanterne. Grelottante, cheveux au vent, Ophélie trébucha hors du traîneau et se retrouva dans la poudreuse jusqu'aux chevilles. La neige coula par-dessus le bord de ses bottines comme de la crème. Elle ne se faisait qu'une idée confuse de l'endroit où il se trouvait, une cour étroite, prise en tenaille par des remparts. Il ne neigeait plus, mais le vent taillait dans le vif. « Un bon voyage, monseigneur !» demanda l'homme à la lanterne en allant à leur rencontre. « Je pensais pas que vous seriez absent si longtemps. On commençait à s'inquiéter. Dites un peu, en voilà un drôle d'arrivage !» Il fit balancer sa lampe devant le visage ahuri d'Ophélie. Elle ne vit de lui qu'un éclat flou à travers ses lunettes. Il avait un accent beaucoup plus prononcé que Thorne. Elle le comprenait à peine. « Bigre, quelle maigrichonne ! Pas bien solide sur ses jambes, celle-là. J'espère qu'elle ne va pas nous claquer entre les doigts. Ils auraient quand même pu vous donner une fille avec plus de couenne. » Ophélie était abasourdie. Comme l'homme tendait la main vers elle avec l'intention évidente de la palper, il se reçut un coup en plein sur le crâne. C'était le parapluie de la tante Roseline. « N'approchez pas vos paluches de ma nièce et soignez votre langage, grossier personnage » s'indigna-t-elle sous sa toque de fourrure. « Et vous, monsieur Thorne, vous pourriez dire quelque chose ?» Mais Thorne s'abstint de dire quoi que ce fût. Il était déjà loin, son immense fourrure d'ours se découpant dans le rectangle lumineux d'une porte. Hallucinée, Ophélie plongea ses pieds dans les empreintes qu'il avait laissées derrière lui et le suivit à la trace jusqu'au perron de la maison. Chaleur, lumière, tapis. Le contraste avec la tourmente du dehors était presque agressif. À moitié aveugle, Ophélie traversa un long vestibule et se traîna d'instinct jusqu'à un poêle qui lui enflamma les joues. Elle était en train de comprendre pourquoi Thorne pensait qu'elle ne survivrait pas à l'hiver. Ce froid-là était sans commune mesure avec celui de sa montagne. Ophélie peinait à respirer, son nez, sa gorge, ses poumons la brûlaient de l'intérieur. Elle eut un haut-le-corps quand une voix de femme, plus puissante encore que celle de sa mère, explosa dans son dos. « Jolie brise, hein ? Passez donc votre fourrure, mon bon seigneur, la voilà déjà trempée. Les affaires ont été bonnes. Et de la compagnie pour madame. Vous en avez ramené en définitive, c'est qu'elle doit trouver le temps long, là-haut. » La femme n'avait apparemment pas remarqué la petite créature tremblotante qui s'était pelotonnée près du poêle. De son côté, Ophélie avait du mal à la comprendre à cause de son accent très marqué, lui aussi. « De la compagnie pour madame ?» Comme Thorne ne répondait rien, fidèle à lui-même, la femme s'éloigna aussi discrètement que le permettaient ses sabots. « Je vais aider mon mari !» Ophélie prenait lentement connaissance de son environnement. Au fur et à mesure que la neige fondait sur ses lunettes, des formes étranges se précisaient autour d'elle. Des trophées d'animaux, gueules béantes et œils figés, jaillirent des murs le long d'une immense galerie de chasse. Des bêtes à en juger par leur taille, monstrueuses. Les bois d'un élan qui trônait au-dessus de l'entrée avaient l'envergure d'un arbre. Au fond du logis, l'ombre de Thorne se dressait devant une vaste cheminée. Il avait posé sa valise en tapisserie à ses pieds, prête à l'empoigner à la première occasion. Ophélie lâcha sa petite braisière pour cette cheminée qu'elle jugea plus attrayante. Gorgée d'eau, ses bottines gargouillaient à chaque pas. Sa robe aussi avait bu la neige. Elle semblait lestée de plomb. Ophélie la releva un peu et s'aperçut que ce qu'elle avait pris pour un tapis était en réalité une immense fourrure grise. La vision lui donna froid dans le dos. Quel animal pouvait être à ce point monstrueux de son vivant pour couvrir une telle distance une fois écorchée? Thorne avait plongé son regard de fonte dans le feu de cheminée. Il ignora Ophélie quand elle s'approcha. Ses bras croisaient le fer sur sa poitrine telle des sabres et ses longues jambes nerveuses frémissaient d'impatience contenue, comme si elle ne supportait pas de rester en place. Il consulta sa montre à gousset dans un cliquetis de couvercle rapide. Tac, tac. Les mains offertes aux flammes, Ophélie se demanda ce que devenait sa tante. Elle n'aurait pas dû la laisser seule avec l'homme à la lanterne, dehors. En prêtant l'oreille, il lui semblait entendre des protestations au sujet de leur bagage. Elle attendit que ses dents eussent cessé de claquer pour adresser la parole à Thorne. « Je vous avoue que je ne comprends pas bien ces gens. Ophélie crut à son silence tenace que Thorn ne lui répondrait pas, mais il finit par desserrer les mâchoires. En présence des autres, et tant que j'en aurai décidé ainsi, vous serez deux dames de compagnie que j'ai ramenées de l'étranger pour divertir ma tante. Si vous voulez me faciliter la tâche, surveillez votre langue, en particulier celle de votre chaperon. Et puis, ne vous tenez pas au même niveau que moi, ajouta-t-il avec un soupir excédé. Ça va attirer les soupçons. Ophélie se recula de deux pas, s'arrachant à regret de la chaleur de la cheminée. Thorn se donnait décidément beaucoup de mal pour ne pas ébruiter leur mariage, s'en devenait préoccupant. Elle était par ailleurs troublée par la relation insolite qui le liait à ce couple. Il l'appelait « Seigneur », et derrière l'apparente familiarité qu'on lui manifestait se cachait une certaine déférence. Sur Anima, on était tous le cousin de quelqu'un, et on ne s'encombrait pas de cérémonial. Ici, il flottait déjà dans l'air une sorte de hiérarchie inviolable dont Ophélie ne saisissait pas la nature. « C'est ici que vous vivez ?» demanda-t-elle dans un souffle à peine audible depuis sa place en retrait. « Non. » condescendit encore à répondre Thorn après un silence. « C'est le logis du garde-chasse. » Cela rassura Ophélie. Elle n'aimait pas le parfum morbide des trophées de bêtes à peine masqués par l'odeur du feu de cheminée. « Nous y passerons la nuit ?» Alors que Thorn lui avait obstinément présenté son profil taillé au couteau, cette réflexion l'amena à tourner vers elle un regard de faucon, et l'étonnement avait détendu d'un coup les traits sévères de sa figure. « La nuit ? Quelle heure croyez-vous donc qu'il soit ?»« Manifestement, beaucoup plus tôt que je ne le pensais, » déduisit Ophélie à mi-voix. La pénombre qui pesait sur le ciel brouillait son horloge interne. Elle avait sommeil et elle avait froid, mais elle n'en dit rien à Thorn. Elle ne voulait pas accuser de la faiblesse devant cet homme qui la jugeait déjà trop délicate. Il y eut soudain un coup de tonnerre dans le vestibule. « Vandale !» enragea la voix de la tante Roseline. « Maladroit, goujat !» Ophélie perçut la crispation de Thorn, pourpre de colère sous sa toque. La tante faisait une entrée en fanfare dans la galerie aux trophées, talonnée de près par l'épouse du garde-chasse. Ophélie eut cette fois l'occasion de voir à quoi ressemblait la femme. C'était une créature aussi rose et rondouillarde qu'un poupon, avec une natte d'or enroulée autour de son front comme une couronne. « A-t-on idée de débouler ainsi chez les braves avec un tel appareillage ?» protesta celle-ci. « C'est qu'on se prendrait pour de la duchesse !» Roselyne aperçut Ophélie devant l'âtre. Elle la prit aussitôt à témoin, son parapluie brandi comme une épée. « Ils ont saccagé ma belle, ma magnifique machine à coudre !» se scandalisa-t-elle. « Et comment je vais ourler nos robes? Comment je vais réparer nos accros? Je suis une spécialiste de papier, moi, pas de l'étoffe !»« Comme tout le monde, tiens !» rétorqua la femme avec mépris. « Au fil et à l'aiguille, ma bonne dame !» Ophélie voulut interroger Thorn des yeux pour savoir quelle attitude adopter, mais il semblait se désintéresser de ses querelles de chiffonnière et résolument tourné vers la cheminée. Elle devinait pourtant, à sa raideur, qu'il désapprouvait l'indiscrétion de la tante Roseline. « C'est intolérable !» s'étouffa celle-ci. « Savez-vous au moins à qui vous, vous ?» Ophélie posa une main sur son bras pour l'inciter à la pondération. « Calmez-vous, ma tante, cela n'est pas si grave. » La femme du garde-chasse fit rouler ses yeux clairs de la tante à la nièce. Elle posa un regard éloquent sur ses cheveux dégoulinants, son teint cadavérique et son accoutrement ridicule qui goûtait comme une serpillière. « Je m'attendais à quelque chose de plus exotique. Je souhaite bien de la patience, Madame Bérénilde. »« Va chercher ton mari, » déclara abruptement Thorn. « Qu'il harnache ses chiens. » Il nous faut encore traverser les bois, je ne veux pas gaspiller plus de temps. » La tante Roseline entr'ouvrit ses longues dents chevalines pour demander qui était Dame Bérénilde, mais Ophélie l'en dissuada d'un regard. « Vous ne préférez pas y aller en dirigeable, monseigneur ?» s'étonna la femme du garde-chasse. Ophélie aurait espéré un « oui », le dirigeable lui faisant plus envie que les bois glacés, mais Thorn, agacé, répondit « Il n'y aura pas de correspondance avant jeudi. Je n'ai pas de temps à perdre. »« Bien, monseigneur !» s'inclina la femme. Cramponnée à son parapluie, la tante Roseline était scandalisée. « Et à nous, monsieur Thorn, on ne demande pas notre avis? Je préférerais dormir à l'hôtel en attendant que cette neige fonde un peu. » Thorn empoigna sa valise sans un regard pour Ophélie et sa marraine. Elle ne fondra pas, dit-il seulement. Ils sortirent par une grande terrasse couverte non loin de laquelle bruissait une forêt. Le souffle coupé par le froid, Ophélie distinguait mieux ici le paysage qu'à sa descente du dirigeable. La nuit polaire n'était pas aussi noire et impénétrable qu'elle l'avait imaginé. Dentelé par la crête des sapins tout boursouflé de neige, le ciel tirait sur l'indigo phosphorescent et se faisait bleu tendre juste au-dessus des remparts qui séparaient la ville voisine de la forêt. Le soleil se cachait, oui, mais il n'était pas loin. Il se tenait là, presque à la portée des yeux, juste à fleur d'horizon. Repliée derrière son écharpe, le nez dans un mouchoir, Ophélie eut un choc quand elle aperçut les traîneaux qu'on attelait pour eux. Le pelage ébouriffé par le vent, les chiens-loups étaient aussi imposants que des chevaux. C'était une chose de voir des bêtes dans le carnet d'Augustus, c'en était une autre de les découvrir en chair et en croc. La tante Roseline faillit tourner de l'œil à leur vue. Les bottes plantées dans la neige, le visage fermé, Thorne enfilait des gants d'attelage. Il avait troqué sa fourrure d'ours blanc contre une pelisse grise, moins ample et moins lourde, qui collait de près à son corps en fil de fer. Il écoutait d'un air peu attentif le compte-rendu verbal du garde-chasse qui se plaignait des braconniers. Une fois encore, Ophélie se demandait qui était Thorne pour ces gens. La forêt lui appartenait-elle donc pour avoir droit à ce rapport en règle ? « Et nos mâles ?» les coupa la tante Roseline entre deux claquements des dents. « Vous ne les chargez pas sur les traîneaux ?»« Elles nous ralentiraient, dame, » dit le garde-chasse en mâchant une chic. « Vous inquiétez donc pas, on vous les fera parvenir bientôt chez dame Bérénilde. » La tante Roseline ne le comprit pas tout de suite à cause de son accent et de sa chic. Elle dut lui faire répéter trois fois sa phrase. « Des femmes ne peuvent voyager sans le strict nécessaire, » s'offusqua-t-elle. « Et Monsieur Thorne, il la garde bien, sa petite valise, non ?»« Ce n'est pas du tout la même chose, » souffla le garde-chasse, très choqué. Thorne eut un claquement de langue agacé. « Où est-elle » demanda-t-il, ignorant ostensiblement Roseline. D'un geste de la main, le garde-chasse signala un point vague au-delà des arbres. « Elle traîne du côté du lac, monseigneur. »« De qui parlez-vous ?» s'impatienta la tante Roseline. La tête dans son écharpe, Ophélie ne comprenait pas non plus. Elle ne comprenait rien à rien. Le froid lui donnait mal au crâne et l'empêchait de garder les idées claires. Elle pataugeait toujours dans le coton lorsque les traîneaux se remirent en route, sous la nuit, gonflant ses jupons de courant d'air. Recroquevillée au fond de l'attelage, ballottée par les cahots comme une poupée de chiffon, elle s'aidait de ses moufles pour empêcher ses cheveux de lui fouetter le nez. Devant elle, Thorne dirigeait leur attelage. Son ombre immense, tendue en avant, épousait le vent comme une flèche. Les grelots étouffés du traîneau voisin qui transportait le garde-chasse et la tante Roseline les suivaient discrètement dans l'obscurité. Alentour, les branches nues des arbres griffaient le paysage, lacéraient la neige et recrachaient ici et là des lambeaux de ciel. Secouée dans tous les sens, luttant contre le sommeil visqueux qui l'engourdissait, Ophélie avait l'impression que cette course n'avait pas de fin. Tout à coup, les ombres grouillantes des bois volèrent en éclats et une nuit vaste, cristalline, éblouissante, déroula son manteau étoilé à perte de vue. Les yeux d'Ophélie se dilatèrent derrière ses lunettes. Elle se redressa dans le traîneau et tandis que le souffle glacé de la bise s'engouffrait dans ses cheveux, la vision lui claqua au visage. Suspendue au milieu de la nuit, ses tours noyées dans la voie lactée, une formidable citadelle flottait au-dessus de la forêt sans qu'aucune attache la reliât au reste du monde. C'était un spectacle complètement fou. Une énorme ruche reniée par la terre. Un entrelac tortueux de donjons, de ponts, de créneaux, d'escaliers, d'arc-boutants et de cheminées. Jalousement gardée par un anneau gelé de douves, dont les longues coulées s'étaient figées dans le vide, la cité enneigée s'élançait au-dessus et au-dessous de cette ligne, constellée de fenêtres et de réverbères, elle réfléchissait ses mille et une lumières sur le miroir d'un lac. Sa plus haute tour, elle, harponnait le croissant de la lune. « Inaccessible !» estima Ophélie, exaltée par la vision. C'était donc cette ville flottante qu'Augustus avait dessinée dans son carnet ? En tête de traîneau, Thorne bascula un regard par-dessus son épaule. À travers les mèches claires qui lui fouettaient le visage, son œil était plus vif que de coutume. « Tenez-vous !» Perplexe, Ophélie s'agrippa ce qui lui tomba sous la main. Un appel d'air, puissant comme un torrent, lui coupa le souffle, tandis que les énormes chiens et le traîneau accrochaient ce courant et s'arrachaient de la neige. Le cri hystérique de sa marraine s'étira vers les étoiles. Ophélie, elle, était incapable d'émettre le moindre son. Elle sentit son cœur battre à tout rompre. Plus il s'élevait dans le ciel, plus il gagnait en vitesse et plus son estomac pesait au fond de son ventre, ils dessinèrent une ample boucle qui lui parut aussi interminable que les hurlements de l'attente. Dans une gerbe d'étincelles, les patins se posèrent sans douceur sur la glace des douves. Ophélie sursauta brutalement sur le plancher du traîneau. Elle faillit passer par-dessus bord. Enfin, les chiens réfrénèrent leur course et l'attelage s'immobilisa devant une herse colossale. « La citacielle, » annonça laconiquement Thorn en descendant. Il n'eut pas un regard en arrière pour vérifier que sa fiancée était toujours bien là.